L'amour d'une mère, il ne s'écrit pas. L'amour d'une mère, il ne se chante pas. L'amour d'une mère, il se vit tendrement. Avec le cœur, il se vit violemment. Dans la terreur, désespérément. Dans la douleur. Toi, ma fille aînée, la nuit où tu es née. Cadeau du destin blotti contre mon sein. Que tu étais jolie, douceur endormie. Rose et parfumée comme un bonbon sucré. Mais au milieu de ce bonheur émerveillé, une image venait me tourmenter. Une mère africaine serre entre ses bras décharnés un bébé de quelques semaines qui meurt sur son sein desséché. Un regard rempli d'angoisse dans un visage résigné. De larmes, il n'y a pas de trace. Le malheur a déjà trop frappé. L'amour d'une mère, il ne s'écrit pas. L'amour d'une mère, il ne se chante pas. L'amour d'une mère, il se vit tendrement. Avec le cœur, il se vit violemment. Dans la terreur, désespérément. Dans la douleur. Et toi, ma cadette, ma tendre fleurette, petite souris, tu pleurais la nuit. Je ne dormais pas, te berçais dans mes bras. Je te consolais, tu me souriais. Mais au milieu de ce bonheur émerveillé, une image venait me tourmenter. Une maman juive dans un camp de déportés supplie Dieu pour que lui survive l'enfant qui tient sa main serrée. Où trouve-t-elle le courage de lui chanter cette mélodie qui allume sur son visage toutes les étoiles de la vie? L'amour d'une mère, il ne s'écrit pas. L'amour d'une mère, il ne se chante pas. L'amour d'une mère, il se vit tendrement. Avec le cœur, il se vit violemment. Dans la terreur, désespérément. Dans la douleur. Et toi, ma Benjamine, joyeuse fée mutine, bulle de savon, lutin de la maison, une nuit sauvage en robe de nuage a vu ta naissance nouvelle présence. Mais au milieu de ce bonheur émerveillé, une image venait me tourmenter. C'est un berceau vide dans une maternité. Une jeune femme livide pleure dans la chambre à côté. 9 mois pour mettre au monde un bébé qui n'a pas vécu. Dans son cœur, la souffrance sonde l'eau noire d'abîmes inconnus. L'amour d'une mère, il ne s'écrit pas. L'amour d'une mère, il ne se chante pas. L'amour d'une mère, il se vit tendrement. Avec le cœur, il se vit violemment, dans la terreur, désespérément.